Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le week-end en famille, 2. Bonjour Pierre Mousset, vous êtes présenté comme magicien qui nous propose une rencontre singulière entre philo et magie. Ai-je bien lu ? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors, d'abord, pour la magie, c'est dès votre plus jeune âge que vous êtes tombé dans la marmite de la magie ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai commencé avec des boîtes de magie pour enfants. Et puis, ça a continué de m'intéresser. Alors, j'ai continué à pratiquer de plus en plus. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment, que ça posait des vraies questions et j'ai eu envie de creuser ça. Alors, en creusant, vous avez établi un pont, voire une passerelle entre magie et philosophie. Ça ne va pas forcément naturellement de soi. On pourrait penser que ça ne va pas forcément ensemble au premier abord. Mais en fait, je me suis rendu compte que la magie et la philosophie avaient beaucoup de points communs, notamment la question de l'étonnement, qui est une des grandes qualités en philosophie, de s'étonner des choses qui peuvent sembler a priori évidentes. Et que la magie se rejoignait avec la philosophie à cet endroit-là, sur la question de l'étonnement, de la remise en question des choses qu'on croyait savoir, du doute. En fait, il y a beaucoup de points communs, et la magie permet justement de venir rajouter du trouble, de remettre en question certaines certitudes qu'on pouvait avoir, et que ça crée un appel d'air pour faire de la philosophie, quoi. Ça ouvre des questionnements. Et ça, en effet, dès le plus jeune âge, parce qu'effectivement, très vite, on peut avoir des certitudes, on veut toujours comprendre, donner une définition précise à ce que l'on peut apercevoir, découvrir, et là, il faut se laisser surprendre. Voilà, bah ça c'est moi ce que j'aime transmettre dans la philosophie, c'est qu'en effet, dès le plus jeune âge, on cherche à comprendre le monde, à en avoir des représentations, essayer de voir comment ça fonctionne. Et que des fois ça peut nous cacher des choses ou limiter, réduire en fait l'expérience. Et en effet, de la magie et la philosophie, c'est plus qu'une invitation à trouver des réponses, des certitudes et un certain confort de la pensée. Ça vient nous faire dérailler un petit peu. Ça vient nous rappeler que les choses sont plus compliquées que ça. Ça vient nous remettre en mouvement. Alors tout ça évidemment pour, comme vous l'avez dit, provoquer l'étonnement, provoquer l'émerveillement finalement, c'est aussi ça un principe de base de la magie et voire donc de la philosophie. Pour donner du concret à ceux et celles qui nous écoutent, j'ai lu parmi les ateliers philo magie que vous avez organisés ailleurs, je ne sais pas si ça sera sous cette forme-là ici à Cergy prochainement, faire de la magie, c'est mentir. Là, effectivement, c'est un vrai sujet qu'on peut retrouver au bac. Oui, donc la magie se prête à certains thèmes de la philosophie et la question de la morale, notamment sur la question du mensonge, elle est assez centrale. Moi, je me suis posé cette question en fait en tant qu'illusionniste, où à un moment, j'étais dans une posture qui me mettait un peu mal à l'aise, où je savais pas très bien comment me positionner. Est-ce que je faisais croire des choses qui étaient fausses aux gens, à qui je faisais de la magie, ou est-ce que j'assumais complètement le fait qu'il y a des trucs, et auquel cas, ça faisait disparaître la magie. Donc j'étais dans une position un petit peu délicate, et en fait, ça rejoint les problématiques philosophiques de qu'est-ce que le mensonge, qu'est-ce que la fiction. Est-ce que quand on fait un tour de magie, c'est plus comme si on racontait une histoire et auquel cas ça pose pas tellement de problèmes moraux. Mais la différence avec la magie, c'est qu'on fait passer pour vrai ce qu'on est en train de faire. Quand le conteur ou celui qui raconte des histoires, c'est évident pour tout le monde que c'est de la fiction. Et donc là, il y a une tension qui se joue dans la posture à adopter quand on fait de la magie sur quel est le discours qu'on porte sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on prétend faire. Et là, c'est une porte d'entrée très concrète par la pratique de la magie sur des problématiques philosophiques de la question de la vérité, de la morale et du mensonge. Au mois de janvier prochain, vous serez donc à Point Commun, c'est la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise, pour nous faire découvrir effectivement ce rapport entre magie et philosophie. Le sujet qui sera partagé en famille, je le précise, c'est pas uniquement destiné aux enfants, mais c'est une bonne idée de venir en famille. C'est le principe même de ces week-ends en famille organisés ici à Cergy Pontoise. Il sera question de déséquilibre, vertige et gravité jusqu'au pouvons-nous défier la gravité? C'est un vrai sujet. Alors comment matérialiser, comment concrètement se faire un travail autour de la magie sur ce sujet-là? Sur la philosophie, je vois bien, mais sur la magie, je vois moins bien. Alors donc ces ateliers sont organisés autour du spectacle Backbone, qui est un spectacle d'acrobatie, donc qui pose ces questions de la gravité. Oui. Et la magie vient aussi sur ces questions-là, par exemple les questions de lévitation, quand un magicien se met à léviter, quand il fait bouger des objets, la télékinésie, des choses comme ça. Et donc j'ai pris la loi de la gravité parce que c'est une loi physique qu'on est capable d'appréhender très bien, c'est-à-dire oui. qu'on peut juste prendre un crayon, le lâcher, on voit qu'il tombe et que ça marche à tous les coups. Mais de manière générale, on va aborder la question des lois physiques, c'est-à-dire comment on découvre les lois de la physique, est-ce qu'on peut y échapper? Et de manière plus générale, est-ce qu'en fait les discours scientifiques sur le monde, c'est une espèce de mythologie contemporaine? C'est-à-dire que c'est notre manière aujourd'hui de voir le monde, mais c'est situé à notre époque, dans une certaine ère géographique, ou est-ce qu'au contraire, la science est un vrai discours de vérité et que ça marche à tous les coups, comme la gravité? Alors, et donc la magie, voilà, c'est sur ces questions de lévitation un peu qu'on essaye de défier la gravité et de faire mentir les lois de la nature. Oui. Alors contrairement à d'autres propositions qui seront faites à l'occasion de ces week-ends en famille à la scène nationale de Cergy Pontoise, c'est aussi l'idée d'initiation, c'est bien cela? Initiation joyeuse et ludique, j'ai lu au vertige philosophique à vivre en famille. Là, c'est une notion de vertige, comme on parlait tout à l'heure du doute, le vertige du doute, c'est un peu tout cela que vous allez bien proposer aux enfants et en famille, donc avec les parents à partir de 8 ans, le samedi 11 janvier à deux occasions, à 14h30 puis à 16h30. Durée de votre atelier? 1h30. Très bien. Et donc l'atelier se décompose en deux temps. Il y a un premier temps qui est vraiment ça, essayer d'appréhender le vertige de la magie et le vertige philosophique, qui est et ce que je disais, que c'est quelque chose qui est très joyeux, justement se réétonner des choses, ça se fait dans une ambiance conviviale, joyeuse, collective. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura une pratique d'initiation à la magie pour faire voler des petits objets et que chacun puisse repartir avec un petit miracle à réaliser chez soi. Ah bien, vous nous donnez vraiment l'envie de venir découvrir tout cela. C'est le samedi 11 janvier prochain. Ça sera au Théâtre des Louvrets à Pontoise à 14h30 puis à 16h30. Et tout cela à découvrir et à partager en famille, comme il a été dit. Merci beaucoup, Pierre Mousset. Merci.